Chapitre 51e, la victime. Sidi donna les coups de trompe convenus pour faire ouvrir la grille, et comme ce retour imprévu pouvait inquiéter Mécédon, le brave garçon tira d'une seconde trompe qu'il tenait en réserve pour ces occasions les quelques notes joyeuses qui chantaient une marche de zouave. Pour Sidi, ça c'était de la musique, put fort goûter également le brave capitaine de la Rochardie, de la bonne musique. Ce chant des zouzous était une façon de chant national algérien, une sorte de Marseillaise de la Nouvelle-France. Pan, pan, l'arbi, les chacals sont par ici, disait encore la trompe, tandis que sous les arbres, la voiture montait la route ronde qui conduisait au perron. Et Sidi, chauffeur hors style, criait les paroles dont la trompe chantait la musique. Au balcon vivement ouvert, Mécédon apparut, ayant rapidement jeté sur ses épaules de marbre un seau de lit et laissant échapper en cascade d'or ses cheveux de fée. « Qu'est-ce qu'il y a, Sidi ? » fit-elle anxieuse. « Pourquoi revenez-vous ? » Et Sidi, arrêtant sa voiture devant le perron, sauta de son siège, tira sa casquette et cria en chantant encore à Mécédon « N'aie pas peur, madame, les chacals sont tous ici !» Puis il ouvrit la portière. « Chef, » fit-il, redevenant sérieux, « que faut-il faire pour vous aider ? Ouvre devant moi les portes !» Paulin Broquet et la mort sortirent de l'auto. Le détective envoya de la main un bonjour rapide à sa femme pour achever de la rassurer. « Voici, dit-il, cher ami, du souci pour votre bon cœur. » Et secondé par l'amorce, il enleva, avec toutes les précautions nécessaires, la malheureuse Madame Garitza, encore sans connaissance. Comme il l'avait fait tout à l'heure chez elle, il la prit dans ses bras et la porta dans la maison, la monta dans la chambre d'amis, toujours prête, et qui allait désormais être la sienne. Miss Sidon, avec son habileté, sa douceur, seconda son mari. Elle dit à l'amorce d'aller à la cuisine préparer une bouillotte d'eau chaude pour échauffer les membres glacés de Madame Garitza. Puis, quand elle fut seule dans la chambre avec Paulin Broquet, elle lui dit « Maintenant, mon ami, aidez-moi à déshabiller la malade. » Ce mot de malade disait toute la délicatesse de cette femme exquise, supérieurement intelligente, au cœur exceptionnel. Une femme malade n'est plus une femme, fut-elle jolie comme Madame Garitza. Elle devient sans sexe, comme un enfant est sacré, c'est une malade. Et le mal, la souffrance, la protège, écarte de son corps splendide de forme d'où l'âme est partie, toute pensée profane. Et cela permettait à un homme de préparer la toilette de lit d'une femme jeune et vraiment jolie sans que la pudeur, la décence fût seulement effarouchée. Rapidement, Miss Sidon défit la toilette de soirée toujours compliquée, surtout quand elle semble très simple, de la jeune femme, et Paulin Broquet mit, comme un grand enfant qui souffre, la malade dans son lit. Puis, lui, honnête, loyal, bon, laissa Miss Sidon, tout emploi de force étant maintenant inutile, remplir son rôle de douceur et de charme. « Mais elle est glacée, » dit Miss Sidon, ramenant les couvertures sur le corps de Madame Garitza. « Elle est froide comme un marbre, comme un cadavre. Que s'est-il passé ? Dites-moi. »« Ah, cher ami, ce n'est pas seulement une malade que vous avez à soigner. » C'est, j'en ai peur, une victime. Miss Sidon comprit. Trop tard ? Demanda-t-elle anxieusement. Vous êtes arrivé trop tard ? Je le crains. Mais nous ne le saurons que quand elle aura parlé. Pendant que Miss Sidon appliquait des linges chauds sur les membres glacés, les réchauffait avec des bouillottes, Paulin Broquet préparait des réconfortants, tout ce qu'il fallait pour tirer enfin Madame Garitza de cette torpeur. Enfin, au bout d'un temps assez long encore, la malade commença à revenir à elle. Son pouls à peine sensible se mit à battre plus fortement. Ses membres perdirent de leur insensibilité, de leur immobilité. Elle respira plus longuement. Finalement, elle perdit sa rigidité de cadavre, elle remua, et par des soupirs douloureux, manifesta son retour à l'existence. Car enfants, femmes ou hommes, s'ils arrivent ou reviennent, c'est avec un cri de douleur, avec des pleurs, qu'ils entrent dans la vie. Madame Garitza n'avait pas encore ouvert les yeux, mais sous ses paupières closes, de grosses larmes coulaient maintenant. Ses lèvres balbutièrent des sons, des paroles inachevées. En se penchant pour les saisir, Miss Sidon et Paulin Broquet purent entendre, comprendre ces deux mots. « Misérable, lâche. » Tous deux alors échangèrent un douloureux regard. Ils avaient compris ce que ces deux mots voulaient dire. Et Paulin Broquet dit à Miss Sidon, « Hélas, mes craintes se justifient, je n'ai pu sauver cette malheureuse. » Cependant, le corps de Madame Garitza ne portait aucune marque de violence. Rien ne révélait qu'elle eût été frappée, blessée. Sa peau de blonde était absolument indemne, et dans ses vêtements, sur elle, pas la moindre goutte de sang ne dénonçait une blessure. Cela ne rassurait nullement Missy Dunn et son mari. Tous deux savaient trop bien de quelles atrocités l'homme qui s'était attaqué à cette malheureuse était capable, pour que l'absence de coups, pour que la non-apparence d'une blessure, leur donna le moindre espoir qu'elle n'avait pas été frappée. Et la compassion que Missy Dunn, que Paulin Broquet éprouvait pour Madame Garitza, s'accrut du fait qu'il la savait blessée et qu'il ne devinait pas encore de quelle façon, d'autant plus cruelle certainement qu'elle était pour le moment invisible. Paulin Broquet avait demandé à Missy Dunn, qui était de moitié dans tout le bien qu'il faisait, si elle voulait donner pour quelque temps l'hospitalité de sa villa à Madame Garitza. Il lui avait fait connaître la scène dramatique à laquelle le hasard le mit à même d'assister derrière la tapisserie japonaise. Missy Dunn, comme le détective, avait senti son âme compatissante s'émouvoir, pardonner au passé de cette épave de la vie, pour qui chaque jour avait été un flot plus ou moins dur, plus ou moins près du rocher, du brisant. Ils avaient résolu de l'arracher des mains de celui qui voulait la contraindre au crime qu'elle refusait d'accomplir. Missy Dunn fit donc préparer la chambre d'amis dont Madame Garitza serait titulaire. Mais elle n'attendait pas sitôt la venue de son hôtesse, ni surtout dans pareilles conditions. Néanmoins, son cœur pitoyable, maintenant, cherchait tout ce qui pouvait secourir et soulager cette malheureuse. Ce fut donc avec angoisse qu'elle guettait son réveil, son retour à la vie. Enfin, après avoir, pour ainsi dire, lutté encore violemment contre sa léthargie, Madame Garitza reconquit totalement ses esprits, fut tirée de sa torpeur. Elle ouvrit de grands yeux effarés, anxieux, qui tout d'abord ne reconnurent pas les êtres. Mais au bout de quelques secondes, elle se ressaisit complètement. Elle vit autour de son lit Paulin Broquet, qu'elle reconnut aussitôt, et une femme merveilleusement jolie, à la chevelure blond-roux, aux yeux bleus immenses, et au sourire si doux qu'il pouvait lui faire croire qu'elle rêvait encore. « Paulin Broquet, vous ? » s'écria-t-elle avec joie. Et aussitôt elle ajouta, devinant, « La femme rousse, Miss Hidden. » Les mains vers elle se tendaient, accueillantes, affectueuses. Mais Madame Garitza, avec effroi, se dressa sur son lit, se recula, voulut s'écarter. « Ne me touchez pas, malheureux » cria-t-elle. « Ne me touchez pas, allez-vous-en, allez-vous-en. Il ne faut pas qu'on me touche, non, non, ne me touchez pas. » Paulin Broquet et Missy Dunn regardaient avec le plus grand étonnement maintenant la malade. « Il faut, reprit Madame Garitza, brûler mes effets. Il faut brûler ce lit où vous m'avez déposé. Il faut, moi, me jeter dehors, à la voirie, à l'égout, ou brûler aussi mon corps. »« Mais pourquoi, pourquoi ?» demanda Paulin Broquet. Un moment, il avait pensé que Madame Garitza, encore mal réveillée, prononçait des paroles incohérentes, sans raison. Mais il voyait maintenant qu'elle parlait avec toute sa raison, que son effroi ne venait pas d'un cauchemar non fini. Et Madame Garitza ajouta, « Oui, oui, tout de suite. Tout de suite, faites-moi porter hors de votre maison, parce que moi, ici, j'apporte le poison, j'apporte la mort la plus épouvantable que la fureur du ciel a pu jeter parmi les hommes. Éloignez-vous. Vous qui êtes si bon, Paulin Broquet, et vous, madame, si bonne et si belle, éloignez-vous par pitié pour vous. Vite, jetez-moi dehors, si vous avez pitié de votre enfant, de votre cher darling, aussi belle que vous deux réunis. Oh, je vous en prie, ayez pitié pour darling, pitié pour vous. » Paulin Broquet, Missy Dunn, loin de s'écarter, au contraire se rapprochait de la jeune femme. Bien qu'elle voulût encore s'éloigner, qu'elle fût à demi sortie du lit, bien qu'elle se défendît, ne voulut point se laisser toucher, le détective finit par s'emparer de ses mains. « Madame, lui dit-il doucement, revenez à vous. Reconnaissez-nous. Oui, c'est moi, oui, c'est ma femme, c'est Miss Hidden, que voici auprès de vous. Nous ne voulons vous faire aucun mal, vous le savez. Nous voulons vous soigner, vous guérir, vous sauver. » Madame Garitza ne pouvait arracher ses mains, se débarrasser de l'étreinte de Paulin Broquet. Alors, cessant de crier, ce fut dans un sanglot qui lui brisa la poitrine qu'elle dit « Je porte sur moi le germe de la maladie la plus odieuse, la plus répugnante et la plus contagieuse qui soit. Mais comment cela? Depuis quand? Expliquez-vous, quelle est cette maladie ?» Madame Garitza répondit « Le maître m'avait menacé d'une mort tellement affreuse que ceux qui ont pitié de moi seraient épouvantés, que celui-même qui m'aime devrait fuir loin de moi. » Elle raconta rapidement la scène qui s'était déroulée dans son salon quand elle rentrait de soirée, quand, toute heureuse, elle préparait sa petite valise pour fuir, quand elle pouvait se croire sauvée. Elle dit avec quel raffinement de cruauté le maître l'avait empoisonnée, l'avait fait s'exécuter elle-même. Elle révéla la piqûre de la seringue de Prava qu'elle portait au bras. Il dit le nom du virus qu'il lui avait inoculé, le nom de la maladie qui ne pardonne pas et que rien ne peut guérir, que la science humaine n'est pas encore arrivée à seulement arrêter dans sa marche. La peste lépreuse.